Tschüss. Faut inventer leur propre vie, oublier les potes et la famille. On fracasse le mic avec des faux récits, victimes de leur folie, à tout le monde ils ont menti. T'as sûrement inventé ta vie, ta famille, ta Ferrari, ta Lamborghini. Tu dis grand alors que t'es mini, faudrait peut-être tu te calmes mon petit. Collection G, Armani, c'est comme ton cousin Demopi. On l'a jamais vu, t'es qu'un mytho, tu te prends pour Kizito. Non, plutôt pour Boubo, tu dis que des ragots. Mais où est ton magot, dans ton tiroir ou dans ton château? On t'a pas vu pendant 2 ans, mais oh, t'étais en vacances ou alors au cajot. Oh, invente leur propre vie, oublier les potes et la famille. On fracassait le mic avec des faux récits, victimes de leur folie, à tout le monde ils ont menti. Trouvien de mi-tonné, ça me fait rire. Gauler mon blasé, rôlé présent pourri. Nové, ça ment à tout le monde et même aux petits. Ça condamne les jeunes à vendre du touchy. Ça parle vraiment mal, ça invente sa vie. De l'hôtel 4 étoiles aux soirées jacuzzi. Ça fait des chansons sans thème, ça sait pas rester. Soi-même signé chez les gros et tu fais pas ce que t'aimes. C'est ça finalement leur plus gros problème. On veut animer les foules, faire ça sans aucune embrouille. C'est pas ce qu'on écoute, ça te casse les couilles. Et ça te fout même les boules. Trop invente leur propre vie, oublier les potes et la famille. On fracasse le mic avec des faux récits, victimes de leur folie, à tout le monde ils ont menti. C'est parce que tu n'as pas le style, ta vie et ta rime, on en a rien à foutre. Tu copies, c'est plus facile, c'est sûrement pour ça que personne ne t'écoute. Donc c'est sûr que tu deviens débile, au début rien à foutre mais après ça dégoûte. Peut-être qu'au mic t'es pas habile, on entend que tu joues tout le temps mais où t'étais caché. T'es dans un trou et ta vie elle est gâchée. Forcément tout ça, ça t'a fâché. C'est ce qui te pousse à tous nous mitonner. Prends ce que tu dis, bravo et vive les mitonneries. Franchement arrête tes conneries, tu deviens victime de ta folie. Tu sais plus ce que tu dis, et toi tout le monde même ta famille. Pour toi mensonge c'est sans répit, ce dernier dirige ta vie. Trop invente, trop invente, trop invente leur propre vie. Trop invente, trop invente, trop invente leur propre vie. Trop invente leur propre vie, oublier les potes et la famille. On fracassait le mic avec des faux récits, victimes de leur folie, à tout le monde ils ont menti. Fais-tu mon frère que les tortues, vêtu d'une carapace telle une tortue. Mon frère tout ça t'a rendu tordu, la rage des mythos t'a mordu. T'as oublié, t'as méprisé, t'as supplié, pour mieux briser, pour mieux vider le cœur de ceux qui te faisaient briller. Tu veux pas t'arrêter, car t'es coincé dans ce couloir. T'as pas compris que tu délirais, et beaucoup trop vont t'en vouloir. Frère faudrait que tu te calmes, des champignons ou de la cam. Que devient ton imagination, la même que les films de science-fiction. Fais plus attention, pose plus les questions, dans toute direction, sans réflexion. Quand la réaction, telle en est la question. Trop sont atteints de mythomanie. Ça se soigne, c'est comme tout, c'est une simple maladie. C'est le vrai et le faux qui s'est mal réparti. T'as perdu ton charisme et tout t'a réparti. Tout ça pour dire que trop inventent leur propre vie. Tous ces gens ne sont victimes que de leur propre folie. Trop inventent leur propre vie, oublier les potes et la famille. On fracassait le mic avec des faux récits, victimes de leur folie, à tout le monde ils ont menti.